soir, nous allons fêter. Belle, belle ville de la Hanse, aujourd'hui, quelle chance. Nous allons fêter. Belle, belle ville de la Hanse, aujourd'hui, quelle chance. Entrez, entrez, entrez dans la danse, car ce soir nous allons fêter. L'arrivée de Gangalai et Gourabai à Nimeg. Belle, belle ville de la Hanse, ce soir tous, quelle chance. Entrez, entrez, entrez dans la danse. Aujourd'hui, nous devons fêter. Car ce soir, nous allons fêter. Chance. Entrez, entrez, entrez dans la danse. Oui, ce soir, nous allons fêter. Belle, belle ville de la Hanse, aujourd'hui, quelle chance. Entrez dans la danse, car ce soir nous allons fêter. Belle, belle ville de la Hanse, de la Hanse. Entrez, entrez tous dans la danse. Aujourd'hui, quelle chance, car nous allons fêter